Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous donc sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, la gestion donc d'un échec, une émission que je vais co-animer avec Dorothée Lacroix, qui est sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour. J'espère que tu es en forme. Oui, en très grande forme. Ah bah très bien. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors, savez-vous que la plupart des gens qui ne réalisent pas leurs rêves ou qui ne réussissent pas leurs projets sont uniquement limités par la peur d'échouer? Cette peur est tellement puissante qu'elle les empêche de se lancer. Alors, d'autres connaissent réussite professionnelle, succès amoureux, prospérité financière. Or, ces vainqueurs seraient-ils tout simplement des vaincus ayant capitalisé sur leurs échecs? C'est donc cette problématique de l'échec que nous allons tenter donc d'aborder tout au long de cette émission. Mais Dorothée, en préparant cette émission, j'ai été surpris de lire qu'en fait l'échec n'existe pas. Si j'ai raté un examen, c'est bien un échec. Si mon mariage n'a pas fonctionné, j'ai bien échoué. Et cette entreprise que j'ai créée qui a déposé le bilan, c'est bien un échec quand même. Alors peux-tu nous éclairer sur le fait qu'en fait il ne faut pas avoir peur de l'échec car il n'existe pas en fait? Alors, pensez-vous qu'un enfant qui tombe plusieurs fois et même plusieurs mois d'affilée lorsqu'il apprend à marcher échoue? Pensez-vous que Thomas Edison, qui a tenté plus de 10 000 fois d'allumer une ampoule, a eu 10 000 échecs? Pensez-vous que lorsque votre enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, il est en échec scolaire? En réalité, l'échec est une perception et même une interprétation de ce que nous vivons. C'est nous qui tirons des conclusions, car l'on se base sur la non-atteinte de l'objectif pour juger. Alors, on se dit que si on n'a pas obtenu le résultat convoité, c'est un échec. Et ce faisant, eh bien, on se trompe dans la définition de l'objectif. Donc, si j'ai bien compris, Dorothée, on croit échouer car on se trompe d'objectif. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'enfant qui tombe. Il n'échoue pas car son objectif est d'apprendre à marcher, mais pas de marcher, justement. Et à chaque fois qu'il tombe, son cerveau enregistre des informations. Donc, ses échecs sont en réalité des apprentissages. Mais avec notre dialogue intérieur, donc, il nous pousse quand même à renoncer quelquefois ou à procrastiner. Donc pour éviter l'échec, alors comment lutter? Et oui, notre voix intérieure nous pousse très souvent à oublier ce mauvais moment et au plus vite. Et oui, parce que l'échec fait très mal, parce qu'il entraîne des émotions négatives, désagréables, la honte, colère, tristesse, et aussi des pensées négatives sur soi. Souvent le fameux « je suis nul, je n'y arriverai pas ». Alors, il faut savoir quand même que rater quelque chose ne veut pas dire être un ou une ratée. Ne pas confondre avoir raté et être un raté, c'est important. C'est pas la même chose. L'échec est souvent lié à un projet qui n'a pas abouti et du coup, nous avons tendance à le prendre pour notre personne. Nous l'absolutisons. S'identifier à son échec génère honte et dévalorisation. Alors, en souhaitant fuir cette situation désagréable, nous risquons justement de passer à côté de l'enseignement de l'échec et puis par la suite de reproduire les mêmes erreurs et d'échouer à nouveau. Alors, il est important d'apprendre de ses échecs et d'apprendre surtout à les considérer comme une chance. Les stoïciens, par exemple, considèrent l'échec comme l'expérience du réel, puisque finalement, l'échec fait partie de la vie. Alors justement, il fait partie de la vie. En couple, justement, on rencontre tout de même des échecs lorsqu'on se sépare. Oui, alors la rupture est un événement traumatisant qui s'accompagne souvent d'un sentiment d'échec, parfois même d'un sentiment de rejet. Mais avec elle, il faut en appréhender l'absence de l'autre, accepter que du jour au lendemain, ses repères sont chamboulés, le lieu de vie, l'organisation du quotidien. Bref, on doit se réinventer après une rupture amoureuse et on doit retrouver confiance en soi, en l'avenir. Un cheminement vertigineux, mais heureusement possible. À la condition pour tout ça, eh bien, c'est de passer par toutes les étapes du deuil amoureux. Une fois passées toutes ces étapes, eh bien, on en tire des enseignements pour se permettre une nouvelle rencontre et relation. Alors donc il faut, j'ai l'impression, donc admettre que derrière toute réussite, quelle qu'elle soit, il y aura donc son lot d'échecs. Et au niveau donc du couple, beaucoup justement multiplient les échecs car ils n'ont pas, comme tu l'as dit, analysé les raisons qui ont poussé à se séparer. Et on a tendance en effet à reproduire les mêmes rencontres avec le même résultat, n'est-ce pas Dorothée ? Et oui, si on se prive de cette analyse, eh bien effectivement, on risque de repartir dans les mêmes schémas amoureux. En fait, tout ce que nous entreprenons est à l'apprentissage. C'est tirer les leçons de ces échecs pour ne plus les reproduire. Alors justement, Dorothée, donc, tu sais que j'apprécie beaucoup Vianney et je pense à cette belle chanson donc, de Vianney qui parle justement de cette notion d'apprentissage. J'ai essayé et je te propose de l'écouter. Écoutez bien, chers auditeurs, les paroles. Cela va être motivant pour vous d'écouter cette belle chanson « J'ai essayé » de Vianney. J'avais planté des graines dans un potager. J'avais semé du seigle dans un champ fané. Les graines au soleil se sont vues sécher. Et le seigle de même n'a jamais poussé. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. J'ai fait une cabane en olivier. Le sol était de sable et ça me plaisait. Puis le toit, puis les bases se sont froissées. Étalée sur le sable, la maison cassée. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. On couve des projets, des ponts, des plans. On couve des couplets, des enfants. Moi j'ai gagné parfois et perdu souvent. Celui qui n'échoue pas n'est pas vivant. C'était pas la saison ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond, j'ai essayé. C'était pas la saison, non, ou pas l'endroit, qui sait. Qu'importe, car au fond. La la la la la la. Ce qu'on a semé n'a pas toujours poussé. Ce qu'on a semé n'est pas paumé. Si ce qu'on a semé n'a pas toujours poussé. J'ai essayé. Très belle chanson de Vianney, « J'ai essayé », qui montre qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. En fait, refuser l'échec, c'est un peu refuser de grandir puisqu'on bloque la possibilité d'apprendre et donc de s'améliorer. Or, Dorothée, nous vivons en France dans une société finalement qui ne valorise pas les échecs. C'est très différent outre-Atlantique. Les Américains n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, la même vision que nous. Oui, tout à fait, Jérôme. Sais-tu qu'aux États-Unis, les banques prêtent plus facilement à des personnes qui ont déposé le bilan d'une entreprise qu'à de jeunes entrepreneurs débutants ? Eh bien, parce qu'elles considèrent à juste titre que l'entrepreneur ayant échoué va faire moins d'erreurs, puisqu'il en a déjà fait. Or, tirant les leçons des échecs, les entrepreneurs sauront ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc Dorothée, ce n'est pas d'échouer qui compte, mais la capacité en fait à rebondir et analyser les causes de la non-atteinte de ces objectifs pour en tirer profit. Mais au fait, c'est une problématique que tu rencontres régulièrement auprès de ta clientèle, Dorothée ?

J'ai peur de l'échec. J'ai peur de perdre. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'échec. J'appelle sur le top, sur un plan normand pour El Sal. Voilà, c'était Aurel San, donc la peur de l'échec. Vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez l'instant présent avec pour thème ce mois-ci donc la gestion d'un échec en compagnie de Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Alors, l'instant présent, c'est aussi l'occasion d'aborder le développement personnel sous forme de conseils pratiques pour nos auditeurs. Alors, on a évoqué donc l'importance, Dorothée, tout à l'heure, de ne pas avoir à se fixer des objectifs trop importants, de tirer les leçons si l'objectif n'est pas atteint. Alors justement, passons à la partie pratique, Dorothée. Quel premier conseil peux-tu nous donner pour mieux gérer donc un échec ? Eh bien, pour mieux vivre l'échec, il faut apprendre à le redéfinir. C'est-à-dire à le regarder sous un autre angle, pour faire simple. Parce que l'échec, eh bien, c'est pas celui de notre personne. L'échec, c'est en fait une rencontre entre un de nos projets et l'environnement. Alors, on analyse, par exemple, pourquoi eh bien, cela n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y avait des défauts dans la conception du projet ? Est-ce que c'était le bon moment pour moi ? Est-ce que tout avait été bien pensé, finalement ? Parce qu'il peut aussi y avoir eu des imprévus qui sont venus interférer dans le bon déroulement du projet. De cette façon, en se posant ces questions et en le redéfinissant, eh bien, on voit l'échec avec une vraie prise de recul, sans s'identifier à lui. Et se dire aussi que c'est un échec dans notre vie, mais que nous ne sommes pas l'échec. Le non-aboutissement des projets, bien sûr, va générer une crainte, un renoncement à de futures initiatives et peut-être même une perte d'estime de soi. Alors, s'il est normal de ressasser un échec pour en tirer des conclusions, il est important eh bien, de consulter lorsque eh bien, on n'arrive pas à digérer cet échec et que ça nous empêche finalement, que cette peur hein, qui s'installe nous empêche de démarrer de nouveaux projets. Alors bien sûr, la sophro peut aider hein, à effacer ce sentiment d'échec, à aller de l'avant. Et puis aussi plein d'autres techniques dont on en parlera après. Alors justement, tes propos, Dorothée, ça me fait penser à une émission qu'on a co-animée ensemble, Lâcher prise. Hein. Je pense que face à un échec, il faut lâcher prise, donc admettre cet échec, prendre du recul et essayer de comprendre les raisons de cet échec. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous pouvez retrouver en replay toutes nos émissions hein, sur le site donc, de Radio Fadjet. Alors Dorothée, que penses-tu de la pratique justement régulière de la méditation, du yoga ? Il semble que cela constitue de bons outils préventif quand on est angoissé face à l'échec. Alors oui, effectivement, toutes ces pratiques sont favorables à la gestion du stress et de l'anxiété, elles ont tout à fait leur place dans la prévention de la peur qui s'installe après un échec lorsqu'on veut lancer un nouveau projet. Ces techniques doivent être couplées à une analyse affûtée du précédent échec, comme on en parlait tout à l'heure, pour en tirer des conclusions. Et pour cela, bien sûr, on peut se faire aider par un thérapeute. Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure et de se faire justement aider. Alors j'aime bien donc également, Dorothée, ces phrases qui nous font justement donc du bien. Et n'oubliez pas donc justement ce beau principe de Thomas Fuller, « Tout est difficile avant de devenir facile », qui va vous aider à avancer et de ne pas baisser les bras devant l'adversité. C'est une phrase que j'utilise régulièrement lorsque je rencontre effectivement des difficultés. Et toi, Dorothée, est-ce que tu as un principe à partager avec nos auditeurs ? Oui, alors moi je dirais juste « Osons l'échec pour se réinventer ». Et soyons autant fiers de nos succès que de nos échecs. Eh bien, également un très beau principe à partager. Alors pour terminer, donc, Dorothée, quelques références d'ouvrages pour prolonger cet entretien justement sur la gestion de l'échec. Oui, alors ce que je vous conseille en lecture, c'est assez abordable, sous un aspect un peu plus philosophique de l'échec, « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Ensuite, c'est un documentaire que peut-être certains auditeurs ont déjà vu, « Montre jamais ça à personne ». Donc, c'est un documentaire sur la carrière d'Orelsan, notamment ses débuts. Donc c'est très intéressant de voir les différentes étapes par lesquelles il est passé, comment il a fait face à la non-réussite de certains projets, à certains échecs aussi. Donc, c'est très formateur. En fonction des personnalités que vous aimez, admirez, des sportifs, artistes, il faut savoir que il est rare de ne pas avoir connu un échec avant le succès, de s'orienter vers toutes ces biographies des personnalités, de la figure que l'on admire. C'est toujours très inspirant, effectivement, de lire le récit d'une carrière. Eh bien, merci Dorothée pour ces quelques références. Ainsi se termine ce nouveau numéro de l'Instant Présent. Alors j'espère que cette émission vous a plu et que vous appréhenderez différemment la prochaine fois que vous serez confronté donc à un échec. Alors n'hésitez pas à faire part de vos remarques sur la page Facebook de Radio Fadjet et de nous faire part des thèmes que vous souhaitez aborder ces prochains mois. Bien, Dorothée, on se retrouve donc le mois prochain. Avec plaisir, comme d'habitude. Et donc pour terminer donc l'émission, on va se quitter en chanson, Dorothée, une chanson plutôt optimiste, c'est Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance. Ce gros succès de Goldman raconte l'histoire d'une fille qui, pour réussir sa vie, va devoir se battre et s'adapter car elle n'a pas les avantages de certaines qui sont plus belles, qui sont nées dans une belle famille, etc. Et ce chemin la rendra plus forte, quelque part plus belle. Alors n'hésitez pas, donc n'oubliez pas que face à un échec, sachez-le que demain, cet échec vous rendra plus fort. On retrouve tout de suite donc Jean-Jacques Goldman et nous on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Présent. Tu le prendras toi-même. Pour rien ne se fois seul en saura le prix. Tout seul apprend à fonctionner.